Pourquoi faut-il qu'on mange? On serait bien plus heureux si l'on ne devait pas comme des bœufs tous les jours sauf dimanche travailler pour se payer du cassoulet en boîte et du bicarbonate. Que ne sommes-nous des anges? Pourquoi faut-il qu'on mange? Pourquoi faut-il qu'on aime? On serait plus épanoui sans l'abominable souci tous les jours de la semaine de se laver, de s'habiller pour séduire des donzelles adorables et cruelles qui tapent sur nos systèmes. Pourquoi faut-il qu'on aime? Pourquoi faut-il qu'on vive? Ce serait moins fatigant de ne pas compter constamment tous ces jours qui se suivent. Va penser sans arrêt aux maux de l'existence et d'être en proie aux transes, aux douleurs les plus vives. Pourquoi faut-il qu'on vive? Pourquoi faut-il qu'on meure? On serait moins angoissé sans devoir toujours redouter la bombe ou la tumeur. On pourrait profiter des plaisirs culinaires et des joies de la chair. La vie serait meilleure. Pourquoi faut-il qu'on meure?